Bonjour, je m'appelle François Barthelat, je suis professeur associé à l'Université McGill au département de génie mécanique. Nous sommes ici dans mon bureau, dans le bâtiment McDonald's, au centre-ville de Montréal. Et il y a une neige dehors, l'hiver vient de commencer, mais on aime bien le froid à Montréal, donc ça va. Je dirige le laboratoire de recherche qui s'appelle les Biomimetic Materials Laboratory, c'est-à-dire que c'est un laboratoire pour la biomimétique des matériaux. Donc notre mission, c'est de regarder les matériaux naturels, comment ils se déforment, comment ils se cassent, pourquoi ils ne se cassent pas d'ailleurs souvent. On essaie de comprendre tout ça. Et la deuxième mission, c'est d'essayer de fabriquer des matériaux inspirés de ces matériaux naturels. Alors notre question, c'est déjà on a un thème général, c'est les matériaux durs, biologiques. Donc ça englobe tout ce qui est coquillages, os, dents et tout ça. Ensuite la question scientifique et d'ingénierie, c'est comment est-ce que le coquillage prend des minéraux qui sont très fragiles à la base et comment est-ce que l'animal transforme ces minéraux en un matériau qui est beaucoup plus tenace, qui est beaucoup plus résistant à la fracture, qui est beaucoup plus résistant aux impacts. C'est très intéressant, c'est un problème d'ingénierie très intéressant parce qu'on ne sait pas comment faire avec nos céramiques. On n'a pas encore résolu ce problème. Donc c'est ça la motivation principale en fait. Quand on utilise des céramiques d'ingénierie ou du verre dans ce qu'on fabrique, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'on a la dureté, on a la transparence du verre, les propriétés optiques. Pour les céramiques, il y a toutes les applications à haute température. Mais le problème, c'est que tous ces matériaux sont fragiles. Et donc, notre question principale, le thème principal qu'on explore dans notre laboratoire, c'est comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature et puis apprendre comment est-ce que la nature a fait pour vaincre la fragilité de ces minéraux pour qu'on puisse appliquer ça dans les matériaux d'ingénierie. Donc, c'est un peu ça la question principale qui domine nos recherches. On a des animaux qu'on affectionne, ouais. C'est-à-dire qu'on a des... Il y a un nombre gigantesque de matériaux qui sont utilisés dans la nature, mais il y en a certains qui sont plus performants et plus intéressants que d'autres. Par exemple, le coquillage de la nacre, quand j'ai commencé, c'était pas un nouveau thème, il y avait déjà d'autres groupes qui avaient regardé. Tout n'était pas encore compris à l'époque, mais il y avait déjà beaucoup de progrès. Mais ce qu'on savait, c'est qu'il y a eu des tests qui ont été faits dans les années 70, qui ont montré que ce coquillage avait des propriétés assez surprenantes. Et donc, je crois que c'est ça, on peut aller chercher d'autres matériaux. Plus récemment, on a fait des écailles de poisson, parce qu'on savait que c'était un matériau très tenace, mais on connaissait pas encore trop les performances de ce matériau, ce qu'on a fait après. Mais c'est un peu comme ça, ouais, il y a beaucoup de littérature en ce moment, et ça a vraiment décollé de façon exponentielle. Des groupes de recherche qui examinent tout un tas de matériaux dans la nature. Il y a un groupe de recherche fameux à San Diego qui est dirigé par un Brésilien qui s'appelle Mark Meyers, et lui il va régulièrement au Brésil, dans l'Amazonie, aller chercher des poissons et des choses comme ça. Donc il ramène plein d'idées. Il a eu l'idée de travailler sur le bec des toucans en voyageant comme ça. Donc ça, l'inspiration, ça vient d'un peu partout. Et en allant dans les musées, là, il y a le musée Red Pass sur le campus à McGill. Donc des fois avec les étudiants, on va faire un tour, essayer d'avoir des idées de nouveaux matériaux à examiner. Donc ça s'élargit comme ça, les gens commencent à regarder beaucoup de matériaux, mais en même temps ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des solutions de construction pour ces matériaux, des solutions un peu d'ingénierie qui sont assez similaires à travers plusieurs matériaux, qui sont des fois complètement pas relatés du tout, des matériaux qui sont utilisés par les os des humains, par exemple, ou les matériaux qu'on trouve dans les coquillages. Si on regarde un microscope, on va trouver des structures qui sont similaires. Donc ça commence un peu à converger. C'est un peu une évolution en parallèle, quoi. La nature est arrivée aux mêmes solutions d'ingénierie, mais indépendamment. Mais il y a comme ces motifs universels, presque, qu'on retrouve à travers beaucoup de ces matériaux-là. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Donc d'une certaine manière, ça diverge. Il y a des millions et des millions de matériaux, mais d'une autre manière, plus on examine ces matériaux-là, plus on se rend compte que les mêmes solutions émergent, sont utilisées par tous ces matériaux. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. La première chose qu'on fait, c'est mesurer les propriétés mécaniques. Tous les matériaux dont je parle, c'est des composites, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux matériaux différents. Et dans le cas d'un matériau comme la nacre, il y a une phase dans biopolymère qui est très souple et une phase en minéraux. Et ces deux matériaux différents ont des contrastes de propriétés qui sont très élevés. Le minéral est beaucoup plus rigide que le polymère. Et donc, on essaie de comprendre les propriétés des ingrédients. Puis ensuite, on mesure les propriétés de la nacre, dans ce cas-là, ou des morceaux de coquillage par lesquels on est intéressé. Et là, on fait des tests mécaniques, comme on ferait des tests mécaniques sur des aciers ou des matériaux composites qu'on vient de développer. On applique les mêmes méthodes sur les matériaux naturels. Donc on va prendre un morceau de coquillage, on va le couper en deux, couper en quatre. On va le préparer et puis on va préparer des petits échantillons qu'on va casser dans notre laboratoire avec des machines spéciales qui vont nous dire combien de force il faut pour casser ce matériau, etc. Donc il y a des méthodes, des standards très précis là-dessus qui vont nous donner la résistance de ce matériau. Donc ça nous donne la propriété du matériau, mais c'est juste le début de l'histoire, parce que la propriété en elle-même, au bout du compte, ça ne nous intéresse pas forcément. Ce serait intéressant si on voulait utiliser ce matériau pour faire quelque chose d'ingénierie, comme le bois par exemple. Les propriétés du bois sont très importantes, parce que les gens font encore beaucoup de choses à partir du bois. Mais pas pour les coquillages. Ce qui nous intéresse, c'est surtout comment le coquillage va réussir à avoir ses propriétés, en fait. Donc là, c'est la deuxième phase pour examiner ces matériaux, c'est d'aller prendre des microscopes et puis aller déjà comprendre comment le matériau est fabriqué, à quoi il ressemble à l'échelle microscopique, des fois même à l'échelle nanoscopique, encore plus petit. Donc là, il y a beaucoup de travail déjà à faire, parce que c'est des matériaux très complexes, donc il y a beaucoup de structures en deux ou trois dimensions, qui sont des fois pas faciles à caractériser. Par exemple, dans l'os, par exemple, on ne connaît pas encore exactement la structure de l'os, même au niveau microscopique. Il y a encore un peu de débat sur exactement comment l'os est arrangé au niveau aux échelles microscopiques, nanoscopiques. Ensuite, la dernière phase, c'est ce qu'on appelle micromécanique, c'est-à-dire qu'on essaye de voir comment cette microstructure va se déformer. Okay, une fois qu'on a compris comment le matériau est fait à l'échelle microscopique, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on va déformer le matériau à l'échelle microscopique. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaie de casser le matériau? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une fissure qui se propage dans ce matériau? Où est-ce que la fissure va? Est-ce qu'elle va s'arrêter dans le minéral? Est-ce qu'elle va s'arrêter dans le polymère? Ou alors comment la fissure va être redirigée dans d'autres régions du matériau? Et là, c'est pas facile, parce que c'est pas toujours évident de comprendre exactement ce qui se passe dans le matériau. Mais ça, ça fait partie des nouvelles techniques qui ont permis de répondre à ce genre de questions, c'est de faire des tests mécaniques sur le matériau, et en même temps, on image le matériau à l'échelle microscopique. Donc on peut vraiment voir ce qui se passe à l'échelle microscopique du matériau quand on le déforme, quand on le casse, et c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. Puis en même temps, il y a tout ce qui est simulation par ordinateur aussi, qui a été très importante pour comprendre ces mécanismes, puisque si on comprend bien la structure du matériau, et si on connaît les propriétés mécaniques des ingrédients, on peut mettre tout ça sur un ordinateur et demander à l'ordinateur de simuler la réponse mécanique. Ça nous donne une bonne idée dans beaucoup de cas de savoir ce qui se passe exactement à l'échelle microscopique. Donc une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a tout au complet, toutes ces idées ensemble, on est prêt à aller dans le labo pour la dernière phase, c'est-à-dire fabriquer un matériau qui inclut tout ce qu'on a appris des matériaux naturels. Et ça, c'est pas facile non plus. Une approche qu'on a décidé d'explorer, c'est au lieu d'essayer d'assembler des petites briques et puis d'espérer que ça va se mettre en faire un beau mur de briques, on va partir d'un gros bloc de matériaux durs, et on va venir avec un laser et on va aller tailler à l'intérieur du matériau, on va venir tailler les interfaces entre les briques. Et donc là, si on veut faire ça à l'intérieur du matériau, il faut qu'il soit transparent au laser, donc c'est pour ça qu'on travaille avec du verre. Mais avec cette technique, on arrive à avoir des structures avec beaucoup, beaucoup de contrôle sur la microstructure, et par conséquent, on arrive à avoir des propriétés mécaniques très, très intéressantes quand on fait ça. Donc c'est un peu, conceptuellement, c'est très différent de ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire on appelle ça bottom-up, c'est-à-dire on part des ingrédients et les assembler. Nous, on part d'un gros bloc, c'est plutôt top-down, mais on part d'un gros bloc, et puis on va venir avec un laser pour aller sculpter notre matériau à l'intérieur. Donc on peut faire ça à l'intérieur du volume, ou on peut faire ça en surface sur des matériaux opaques comme des céramiques. On peut venir avec le laser et faire des, comme des dessins en gros, faire des petites tranchées microscopiques sur le matériau en céramique. Et il se trouve que si on, c'est un peu un jeu dangereux, si on ne sait pas trop ce qu'on fait, on rend le matériau encore pire que ce qu'on avait avant. Mais si on fait ça bien, si c'est bien optimisé, on peut avoir des propriétés très très intéressantes. Donc c'est ça qu'on explore en ce moment dans notre laboratoire. Et puis là, on continue sur d'autres matériaux, on fait des choses en trois dimensions. Oui, alors ça, c'est fait partie des lois un peu universelles qu'on a un peu identifiées en regardant les coquillages, les dents, les os. Et on s'est rendu compte que, bon, il y a beaucoup de minéraux dans ces matériaux, évidemment, il y a des protéines. Mais dès qu'on essaie de casser ces matériaux, dès qu'il y a une fissure qui essaie de se propager, ce qui se passe tout le temps d'ailleurs dans ces matériaux, parce que nos os, par exemple, sont pleins de micro-fissures. Donc à chaque fois qu'on marche ou qu'on court, ces micro-fissures vont vouloir se propager. Donc en fait, elles se propagent d'une manière telle qu'elles vont suivre des interfaces plus faibles à l'intérieur du matériau. Et en fait, les matériaux comme l'os ou les coquillages ou les dents sont remplis d'interfaces. Il y a des réseaux d'interfaces. Par interface, je veux dire comme des plans à l'intérieur du matériau qui sont plus faibles que le reste du matériau. Et donc, quand une fissure va venir près de ces interfaces, la fissure va aimer suivre l'interface. Donc ça, on trouve ça, cette idée d'interface plus faible. On trouve ça partout dans les matériaux naturels durs. Ensuite, l'autre idée, c'est de... Bon, il y a l'idée de venir piéger les fissures sur ces interfaces. Et ensuite, il y a l'idée d'utiliser l'architecture de ces interfaces pour qu'une fois que la fissure soit piégée sur cette interface, ça devient de plus en plus dur de propager l'endommagement et propager cette fissure de plus loin, quoi. Donc l'idée, c'est de piéger la fissure. Et on utilise le terme piéger parce que la fissure, elle ne sait pas ce qui se passe encore. Elle va juste propager où c'est plus facile, vers l'interface là, qui est plus faible, qui est plus faible que le reste du matériau. Par contre, ce que la fissure sait pas, c'est qu'il y a une deuxième ligne de défense qui est due à la manière dont cette interface est mise en deux dimensions ou trois dimensions à l'intérieur du matériau, qui va rendre le matériau beaucoup plus résistant au bout du compte. Donc c'est cette idée qu'on a mis dans le verre en fait. C'est-à-dire qu'on met des interfaces plus faibles avec notre système laser. On va venir à l'intérieur du verre et faire plein de micro-fissures à l'intérieur du verre, mais assez près les unes des autres, qu'on peut faire comme une série de micro-fissures sur des plans particuliers à l'intérieur du verre, et on arrive à guider les fissures dans le verre comme ça. Donc guider la fissure, ça ne suffit pas. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre les fissures et ces interfaces dans des configurations où c'est plus difficile de se propager et plus loin. Donc c'est ça qu'on a fait. Donc l'inspiration, ça vient des coquillages, comme on a fait beaucoup de coquillages. Mais si on regarde, on a aussi regardé les mailles des dents ou les os, et il se trouve que ces genres de mécanismes, on les trouve aussi dans ces matériaux. Puis évidemment, le problème du verre, c'est que ça casse, c'est trop fragile, quoi. Donc on a été contacté en fait par l'industrie pour essayer de résoudre ce problème de fragilité. Donc si on a plusieurs projets maintenant avec des industries. Personnellement, dans notre groupe, on aime bien faire de la recherche fondamentale, essayer de comprendre les méthodes naturelles. Mais la finalité dans la bio-inspiration, biomimétisme, c'est faire des objets d'ingénierie qui ont des applications réelles. Ouais. Et puis qu'on puisse... ultimement, c'est ce qu'on veut faire, c'est les implémenter dans des applications industrielles, ouais. C'est-à-dire trouver non seulement une belle idée qui marche dans le laboratoire, mais aussi comment est-ce qu'on peut fabriquer des grands volumes de ce matériau d'une manière économique. Au début, c'est quelque chose, genre, quand on a commencé à travailler sur ce projet, c'était pas vraiment la finalité, mais il se trouve qu'il y a tellement d'applications directes au bout du compte, ça nous intéresse assez. Ouais. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas forcément, anticipés avec le verre. Et qui nous viennent de l'industrie en fait, qui ont des problèmes très concrets. Et il se trouve qu'il y a de la mécanique fondamentale très très intéressante qui est connectée avec le genre de matériaux qu'on fait. Donc en fait, ça nous donne aussi beaucoup d'idées pour continuer nos recherches fondamentales.